Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Sur les ondes de CKJM, Michel Tifaux et Dominique Bolduc se sont entretenus avec le propriétaire des Marquis de Jonquière, Éric Clavaux. On sait qu'Éric Clavaux a mentionné hier qu'il voulait vendre l'équipe. Donc, on va connaître les motifs avec cette entrevue. Avec Michel Tifaux et Dominique Bolduc. Il est 16h37. Il était le grand Manitou des Marquis de Jonquière cette saison. Mais après 7 ans, il décide de partir. On a comme invité dans le vestiaire Éric Clavaux. Bonjour, Éric. Bonjour, Michel. Quelles sont les raisons qui t'amènent à quitter les Marquis de Jonquière? C'est un petit peu après 7 ans. Là, je crois que j'ai fait un petit peu le tour aussi. Je veux faire d'autres choses un petit peu. Puis je pense aussi que la venue de nouvelles personnes d'affaires ou d'autres serait pas mauvais pour les Marquis. Puis c'est quelque chose qu'on observe dans les autres villes. Je pense à Saint-Georges, Chon 6, à Thetford 4 ou 5, la même chose à peu près à Rivière-du-Loup, la même chose pour les pétroliers aussi. Ça fait que je pense que c'est quelque chose qui amènerait un atout supplémentaire pour l'organisation des Marquis, d'avoir un réseau encore plus grand de contacts, soit pour de la publicité ou même pour de l'aide, pour différentes choses. Je pense que ça serait bien vu pour l'organisation. Là, tu étais le seul et unique propriétaire? Oui, depuis tout près de 4 ans, là, il y avait plus de. Au début, on était. Il y avait les gens de chez ProWap qui s'étaient joints au groupe un petit peu. Après ça, ils ont quitté. Là, mais depuis 4 à 5 ans, là, j'étais plus tout seul à la barre pour au niveau de l'actionnariat. Parce que les Marquis, je suis loin d'être tout seul. Là. Je vous dirais que c'est toute une organisation, puis c'est tout un groupe de gens dévoués à leur affaire. Là. Il y a vraiment un bon groupe de formés là. Moi, je pense pas avoir peur à la continuité de cette organisation due à son professionnalisme et aux gens qui sont en place présentement. C'est juste que moi, je voudrais passer à d'autres choses, mais je vois pas, là, puis je vois vraiment mal que le futur des Marquis arrêterait dû à mon départ, parce que il y a trop de belles choses qui se sont faites, puis il y a trop de belles choses qui sont à faire aussi encore. Puis c'est tellement un bon calibre de hockey, tu sais, pour que toi tu le fréquentes aussi, puis tu aies vu ces matchs-là. Quand quelqu'un met les pieds dans le palais des sports pour voir un match, il devient assez vite conquis du talent des joueurs en place. Et si on trouvait des nouveaux investisseurs, est-ce qu'Éric Clavaux serait prêt à aider pour la transition? Alors moi, j'ai pas de problème là-dessus. Là. Ce que je veux, la première des choses que je veux, c'est qu'il y ait une continuité pour les Marquis, là. Puis pour Jonquière. Là, je trouverais ça vraiment dommage que cette belle histoire-là s'arrête subitement comme ça. Puis la ville est enclin à donner le même soutien, les mêmes efforts. Tout le monde va encore dans la même direction. C'est plus moi qui veut peut-être faire d'autres choses un peu, mais c'est sûr que vous me verrez au match encore. Puis c'est sûr que s'il faut que je sois encore là pour une année de transition, j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais faut. Si j'avais déjà annoncé l'année dernière un peu que j'aurais aimé déjà l'année dernière, puis là, on est rendu à cette année, puis ça a pas comme plus avancé un peu. C'est sûr que il y a peut-être de moins là-dedans aussi, de ne pas mettre peut-être assez de pression, puis de parler à des gens à ce sujet-là, parce qu'il y a déjà des gens qui ont été avec qui on a discuté un petit peu cette année, puis on leur a dit vers quoi on s'en allait, puis il y a des gens qui veulent écouter là, présentement. Là. Donc, d'après Éric Clavaux, pour la survie des Marquis, ça prendrait un groupe, puis peut-être un gros commanditaire. C'est sûr et certain que s'il y avait un gros commanditaire à la base, ça nuirait pas. Non, il n'y a rien qui nuit. Tout est bon. Un gros commanditaire. C'est sûr qu'on ne vous cache pas qu'il manque pas grand-chose pour fermer la boucle qui va, mais que des fois, ça soit même mieux que ça. Mais cette année, un petit achalandage, tu sais, c'est tellement... faut vraiment le prendre exponentiel. Quand il te manque 200 personnes par match, ben faut que tu le multiplies par 18 fois, là. Ça fait qu'au bout de l'année, ça vient que c'est plus important. C'est peut-être qu'on dit, ah, c'est juste 200, mais le 200 fois les 18 parties, plus les séries, plus tout, ben c'est des chiffres qui deviennent importants. Fait que, on dit qu'un nouveau groupe met du 109 puis ramène un 2-3, on dira pas 1000 parce qu'on sait que c'est pas réaliste, mais ramène un 2-300 personnes qui étaient là, v'là pas si longtemps, puis qui ramène un peu de commanditaire, ben je pense que les gens vont avoir du beau plaisir puis ils vont s'amuser là-dedans. Dans les derniers jours, dans les dernières heures, est-ce que tu as discuté avec des gens susceptibles de prendre la relève? Non, je laissais un petit peu aller justement le quotidien ce matin, vous cet après-midi, pour voir un peu. Mais je vous cache pas, j'ai quand même eu déjà un mail. C'est quelqu'un qui a été près de l'organisation v'là quelques années, même très, très, très, très près de l'organisation. C'est juste que je voudrais peut-être taire son nom un peu pour le moment, mais je pense que c'est quelqu'un qui est intéressé. Je ne penserais pas seul, mais c'est quelqu'un qui a déjà été très près, puis qui pourrait aider l'organisation, puis qui a déjà une partie de bagage là, acquis. Ça fait que c'est sûrement pas mauvais. Je lui ai répondu par mail que c'est sûr que je lui parlais prochainement, c'est sûr et certain. Pour aller régulièrement au marché de Jonquière, si on était capable d'aller chercher un peu plus de clientèle à Chicoutimi, ça pourrait sûrement être... Quand Richard Martel, puis j'ai rien contre Benoît Gratton, qui est un bon coach, là, puis... mais quand Richard Martel est arrivé avec les Marquis, il a emmené une grosse clientèle de Chicoutimi. Puis ça, je pense que si on était capable de trouver la solution pour amener un peu plus de... Parce que les gens de Chicoutimi, de Jonquière, puis d'Alma, puis du Lac vont au SAGS. Mais l'inverse, il y en a, mais pas beaucoup, des gens de Chicoutimi qui viennent au Marquis. Il y en a pas beaucoup, puis même il y avait déjà des études qui avaient été faites un peu, ben des études, on parlera pas scientifiques, là, mais je veux dire de prendre à la porte, tu sais, puis demander aux gens d'où vous venez, votre provenance, puis tout ça. Puis on avait quand même arrivé à un pourcentage plus élevé des gens du lac Saint-Jean qui venaient au match des Marquis que ceux de Chicoutimi, là, qui est à 15 km d'ici, là. Fait que la raison, je la sais pas, mais comme je vous disais tantôt au début, quand les gens mettent les pieds dans le palais des sports, puis qu'ils voient le calibre de jeu qui est offert là, puis des gens qui ont touché de près à la Ligue nationale, ou des gens qui ont joué des matchs dans la Ligue nationale, je veux dire, c'est un calibre exceptionnel là, qui se présente présentement dans la région. Là. C'est juste qu'il faut que les gens le voient et adhèrent à ça. Puis en plus, c'est une chose qu'il ne faut plus entendre, c'est sûr et certain, c'est que personne ne peut parler de l'histoire des bagarres puis des gestes disgracieux. De toute façon, hein. Oui, il peut avoir un geste, hein, mais c'est très rare. Puis les bagarres, c'est rendu très peu aussi. Puis c'est un calibre exceptionnel. Au niveau de la Ligue, Éric Laveau, les Marquis ont jusqu'à quand pour trouver des nouveaux dirigeants? Parce que là, il y a le repêchage qui s'en vient, puis l'Assemblée générale annuelle. Nous, présentement, il n'y a rien d'arrêté, parce que, comme je disais tantôt, je peux pas croire qu'il n'y aura pas de continuité. Là. Moi, je vois pas la raison pourquoi que cette histoire-là arrêterait. Fait que pour les Marquis, il y avait une réunion vendredi, il y a des gens qui y assistaient, il y a des gens qui sont planifiés, préparés pour aller à l'AGA, qui est le 6 et 7 juin. Il y a le recruteur en chef est prêt, travaille présentement pour le repêchage du 15 juin. Présentement, la machine est comme s'il n'y avait absolument rien qui se passait. C'est ce qu'il faut aussi. Parce que on dit bien que c'est l'été, c'est arrêté, mais vous savez que ça tout se passe excessivement vite. Puis il faut pas rien manquer. Puis c'est pour le futur de l'équipe aussi d'aller à un AGA, puis d'aller à de faire un repêchage le plus plus productif possible aussi. Là. Dans les séries éliminatoires, Éric, j'ai croisé à quelques reprises l'ancien propriétaire et homme d'affaires de Saint-Georges-de-Beauce, M. Carole Poulin. Puis je l'ai appelé ce matin pour savoir s'il pouvait être intéressé. Et je lui aurais probablement demandé une entrevue, un entretien. Sauf qu'il vient de quitter l'organisation. Il dit, moi, ça m'aurait intéressé, les Marquis, ben, vous avez un bel amphithéâtre, des bons fans, une grosse équipe, vous avez des bons organisateurs. Mais il dit, j'ai refusé et j'ai quitté l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce parce que je manquais de temps. Puis il dit, là, je peux vraiment pas m'associer au Marquis Jonquière. Sinon, ça aurait pu l'intéresser. Oh, ça aurait été un atout vraiment très important pour les Marquis parce qu'aussi, toutes les... Les matchs qu'il y a à l'extérieur, d'avoir eu quelqu'un qui a des yeux externes puis qui va sur la route, puis son implication, ça me fait longtemps qu'il est dans la ligue, la connaît vraiment beaucoup, mais comme je vous ai dit, c'est sûr qu'il est fidèle et c'est tout en son honneur parce qu'il travaille encore avec les gens de Saint-Georges, puis il est venu à pratiquement tous nos matchs ici dans les séries. Il y a des bonnes affinités avec Marc et ces choses-là. Mais c'est sûr que ça aurait été un très bon atout pour nous là, d'avoir monsieur Poulin, ce qu'il me l'avait mentionné aussi. C'est sûr que je n'avais pas d'affiliation avec Saint-Georges-de-Beauce. Je serais très intéressé parce qu'il faut quand même se le dire. Puis c'est flatteur pour toute l'organisation. Mais quand il dit ça, il dit parce que les Marquis, c'est comme un emblème, c'est quand même vraiment de haute gamme pour la Ligue. Aussi, on se le fait dire par tous les joueurs. Les joueurs se promènent quand même dans la Ligue aussi, changer, puis reviennent dans une autre équipe. On a une très, très, très belle organisation. Et les joueurs sont vraiment ravis de venir ici puis d'y jouer. Éric Laveau, merci beaucoup pour les 7 années données au Marquis de Jonquière. On espère que les personnes intéressées pourront se manifester dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci encore, puis bonne chance. Merci bien. Au revoir, 5h-15, ce soir, Ligue nationale de hockey, match numéro 6 entre les Sharks.